J'en aurais sûrement tout autant. À quoi sert de lutter, toujours chercher à m'arrêter, toujours à m'engueuler, à me chercher des mots. Je sens bien que bientôt j'atteindrai le sommet du Kilimandjaro, et mon âme enneigée aura envie de parler. Ne me laisse pas glisser, tomber dans le tonneau. Du soir continueront à boire au bistrot. Tout me paraissait si beau, juste le comptoir ce soir, le cœur comme un buveur. Je passerai ma nuit à vous raconter ma vie. Raoul au bistrot reprend tout à zéro et se sent bien. Raoul au bistrot est serein comme à l'abri de mon destin. Il me faudra rentrer avec ce que mon âme a de plus à regretter. Je serai si brûlant comme par envie chauffé au blanc, tombé dans le néant, plongé dans le tonneau. Et c'est dans le Qatar que finira mon histoire, naufragé du matin. Les regrets ne servent à rien. N'apprécie-t-elle pas les bars? Je passerai ma vie à lui raconter mes nuits. Raoul au bistrot reprend tout à zéro et se sent bien. Raoul au bistrot et sera comme à l'abri. Thank you.